Et voilà, le temps file. Déjà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Mais juste avant, bien entendu, j'aimerais remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça la possibilité de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFR de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton en Alberta, CILS Victoria, Colombie-Britannique, ici IVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec deux pièces, deux chansons souvenirs. La première est celle de M. Pierre Sabourin, « Moins moi sans elle » que j'ai piqué de la compilation « Trait d'union Florilège Albertin ». Très belle compilation. Et cette chanson-là, bon, on peut penser que ça parle d'une fille, mais après discussion, lorsque j'ai croisé à quelques reprises Pierre Sabourin, il me disait que c'était la langue, mais bien sûr la langue. Donc, moins moi sans elle. Très bonne pièce. Par la suite, il y a Yvon Loisel, lui de l'Alberta. Ben, les deux sont de l'Alberta, finalement. Yvon Loisel qui, lui, va nous offrir « Quand j'aurai les mots ». Écoutez le texte de ça, c'est vraiment génial. Très bonne pièce, très belle mélodie. Très, très, très beau texte sur la langue française. Yvon Loisel, ça s'en vient également. Quand mon cœur se déchire, quand je veux pleurer, c'est son épaule qui vient me consoler. Quand je ne pouvais marcher, à peine avancer, elle s'est tordue la cheville pour boiter avec moi. Hey, hey, hey, hey, hey. Quand la fatigue me recouvre de son drap gris, son sourire éveille les couleurs de ma vie. Si le monde pouvait voir ce que je vois dans ses yeux, ils y trouveraient la recette pour un monde heureux. Je veux lui dire, ton visage me fait sourire. Elle peut être une tornade, elle peut être un ouragan, elle peut être aussi docile comme le printemps. Elle peut être ce qu'elle veut, tant qu'elle veut ce qu'elle peut être. Elle est la plus belle chanson qui me trotte dans ma tête. Je suis moins moi sans elle. Crois en moi tant qu'elle croit en moi. Elle peut être une tornade, elle peut être un ouragan, elle peut être aussi docile comme le printemps. Je suis moins moi sans elle. belle dans mes bras. Quand elle part au loin, si j'ai de l'amour dans ma vie, c'est bien elle qui l'a mis. Quand elle part au loin, je pourrais te dire mes rêveries, les craintes qui les peuplent. Quand je pourrais m'informer, enseigner les autres ceux qui m'entourent, j'aurais maîtrisé ma langue. Sans qu'ils me corrigent. Quand je pourrais te chanter la forêt, les cheveux, les bleuets de mon pays, j'aurais maîtrisé ma langue. Quand j'aurai les mots, Très beau souvenir tiré de son album « Septième réalité » et M. Yvon Loisel, « Quand j'aurai les mots », quel beau texte magnifique. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec deux chansons d'un artiste ou d'un groupe qui vient de se formuler, si on peut ainsi dire, depuis presque un an. C'est « Prairie Como », qui est Benoît Archambault, qui faisait partie de tout simplement « Mes aïeux ». Et aussi Annick Granger, qu'on connaît très bien ici à Canrock. Et c'est ce que j'ai pu là, voir ou assister virtuellement au lancement comme tel de ce petit album-là. Et on me disait qu'au lancement, on disait que oui, c'est un album de reprise, mais avec la contrainte que c'est toutes des chansons que les deux musiciens aiment. Et c'est des chansons en deçà de 1960. Donc, ça a été écrit avant 1960. On va entendre « Le ciel se marie avec la mer ». Très, très belle pièce. Et c'est un album qui est bilingue. Il y a, je pense qu'il y a 7 chansons françaises et 6 anglophones. Donc, « Le ciel se marie avec la mer ». Très, très belle chanson. Et aussi, on va entendre « Lisandre », une autre très bonne pièce. Et ce qui est remarquable dans cet album-là, c'est les arrangements. Les arrangements sont vraiment très feutrés, très presque minimalistes. C'est des arrangements tout doux, très simples, qui vraiment nous donnent une nouvelle sensation, un nouveau feeling par rapport à ces chansons-là. C'est vraiment magnifique. Donc, faites Prairie Como sur Facebook et vous allez découvrir un groupe magnifique. On les écoute, ces deux-là, avec « Le ciel se marie avec la mer » et « Lisandre », voici Prairie Como. La mer a mis sa robe et le ciel bleu, son œil est plein. Elle a voulu être coquette pour dire au ciel en s'éveillant: n'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Qui s'embrassait à l'ombre des joncs, des lagunes, et puis la mer qui lui disait: n'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le chant. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Aïe, aïe, aïe. Les oiseaux vont nous entendre et s'enfuiront des bosquets. Aimez-moi sans me le dire, aimez-moi sans me le dire. À quoi bon tous ces grands mots? Calmez ce bruit en délire, car ça ferait peur aux oiseaux. Calmez ce bruit en délire, car ça ferait peur aux oiseaux. Vous perdez l'esprit, vous me croyez infidèle, ne faites pas tant de bruit. Quoi vous parlez de vous pendre, quoi vous parlez de vous pendre aux branches de ces ormeaux. Mais vous savez bien, Lysandre, que ça ferait peur aux oiseaux. Mais vous savez bien, Lysandre, que ça ferait peur aux oiseaux. Je vous aider, il faudrait à vous entendre vous accorder un baiser. Ah, prenez-en de bien vite, oui, prenez-en de bien vite, et retournez au pipeau. Mieux vaut en finir de suite, car ça ferait peur aux oiseaux. Mieux vaut en finir de suite, car ça ferait peur. Mieux vaut en finir de suite, car ça ferait peur aux oiseaux. Mieux vaut en finir de suite, car ça ferait peur. À pas. Je suis tannée de jouer à l'otage, d'avoir peur de monter à l'étage. Je ferai tomber tous les barrages, pas à pas. Il y a des chances que je tombe, je serai pas la première. Le pied dans le fil, la rallonge du réverbère. Je crois plus. Sur le beat de la laveuse d'en haut, pas à sortir le nez en l'air. Pas à pas, y a des chances que je tombe. Je serai pas la dernière qui pique une de ces belles plonges avec le dessert. Je crois plus. Comme Annick Granger, elle est de la Saskatchewan. Si je ne me trompe pas, elle aussi. Non, elle vient de Regina et Annick Granger vient de Saskatoon. Madame Alexis Normand, vraiment une très belle voix, très bonne musicienne, une femme très sympathique aussi, très charmante à rencontrer et jaser avec elle. Donc, et puis, c'est tiré de son album Alexis Normand, la pièce Mauvais sort. C'est avec ça qu'on a terminé l'émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça là, de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne à toutes les semaines. Merci bien à, tout simplement à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci. Merci aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKJM Chitikan, WFM 98 Halifax, CIFA B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean Nouveau-Brunswick. Il y a également CGRO 177 179 Casbah Verse, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa et CFRH La Radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. Radio Web Production JB, les www.prodjb.com. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton en Alberta, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci énormément de diffuser l'émission. C'est important que ces artistes de l'Ouest se fassent entendre en Acadie et vice-versa. Bien sûr, commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Le thème qui vient de commencer, j'ai à peine 30 secondes, même pas, pour vous dire une seule chose, allez encourager vos artistes locaux, c'est important. Ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, eh bien, je vous souhaite une belle semaine ensoleillée et pleine de musique. On se reparle la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye-bye!